Tous les deux. Non, non, non, non, non, laisse-moi. J'suis en frais quand j'suis bien. J'répondrai que tu. Non, non, non, non, laisse-moi. J'suis en frais quand j'suis bien. J'répondrai que demain. Les verres sont servis, les vis sont sévères. J'laisse couler mes vis comme whisky converse. J'veux plus jamais penser. C'était mieux avant. Les verres sont servis, les vies sont sévères. J'laisse couler mes vies. J'veux plus jamais penser. C'était mieux avant, non. Ce sera mieux après. Dans le vide, on s'est lancé. C'est ma vie que j'en vois valser. Dans le vide, on s'est lancé. C'est la nuit. Bâtard.